et, prenant le bord de son chapeau entre les dents, du bras qui lui restait, il tira des basques de sa veste, un de ses sacs, en grossière toile, où les débitants renferment le plomb de chasse et la grenaille. Ce sac rendait un bruit d'écu. « Tenez, » fit grand-père en le posant sur la table, « voici pour commencer le feu. 500 francs en argent vivant. Et quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. » Influencé peut-être par ma présence, maître Barjavel essaya vainement de raisonner grand-père. Grand-père ne voulut pas renoncer à son idée d'injuste procès. Et comme maître Barjavel refusait de se charger de la cause, il partit, emportant les 500 francs. « 500 francs, soupirait l'avocat devenu rêveur, j'eusse aussi bien fait de les prendre. Mon collègue Turquin ne s'en vivra pas. « Alors, Barjavel, chasse ces pensées tristes. Et pendant que Scolastique nous verse le café, explique-moi le cas de grand-père, lequel, soit dit entre parenthèses, me fait l'effet de l'assez pittoresque coquin. « Grand-père, c'est grand-père. Et tu vois en lui un curieux type du paysan homme de loi. L'écorce, paraît-il, laboure leur fusil caché dans un sillon. Lui, grand-père, quand il avait du bien, n'allait jamais travailler au champ sans son code. Mais depuis longtemps, le bien a disparu, mangé en procès de toutes sortes. Et grand-père n'a plus pour ressource que d'exercer la profession vague du jurisconsulte ambulant. Très respecté des paysans, il va, de commune en commune, s'installe pour 15 jours, un mois, dans une bastide, et là, moyennant quelque argent, le logement, la nourriture, il arrange les procès pendants, et quelquefois même, il en fait naître, pour avoir le bénéfice de les arranger. Grand-père est la bête noire du tribunal, qui l'accable d'interminables mémoires. Souvent même, il le dénonce en bloc, fantaisie qui, de temps en temps, lui vaut quelques mois de prison. Mais la prison ne l'effraie point. Il eut l'insigne honneur, sous l'Empire, de faire envoyer au bagne un magistrat légèrement prévaricateur. Et son ambition secrète serait de renouveler cet exploit.